La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 5e, Anciennes mœurs des Romains. Chapitre 12. Par quelle vertu les anciens Romains ont mérité que le vrai Dieu accrût leur empire, bien qu'ils ne l'adorassent pas? Voyons maintenant en faveur de quelle vertu le vrai Dieu, qui tient en ses mains tous les royaumes de la terre, a daigné favoriser l'accroissement de l'Empire romain. C'est pour en venir là que nous avons montré, dans le livre précédent, que les dieux que Rome honorait par des jeux ridicules n'ont en rien contribué à sa grandeur. Nous avons montré ensuite, au commencement du présent livre, que le destin est un mot vide de sens, de peur que certains esprits, désabusés de la croyance aux faux dieux, n'attribuassent la conservation et la grandeur de l'Empire romain à je ne sais quel destin plutôt qu'à la volonté toute-puissante du Dieu souverain. Les anciens Romains adoraient, il est vrai, les faux dieux, et offraient des victimes aux démons, à l'exemple de tous les autres peuples de l'univers, le peuple hébreu excepté. Mais leurs historiens leur rendent ce témoignage qu'ils étaient avides de renommée et prodigues d'argent, contents d'une fortune honnête et insatiable de gloire. Salluste, Conjuration de Catilina, chapitre 7. C'est la gloire qu'ils aimaient. Pour elle ils voulaient vivre, pour elle ils surent mourir. Cette passion étouffait dans leur cœur toutes les autres, convaincus qu'il était honteux pour leur patrie d'être esclaves, et glorieux pour elle de commander, ils la voulurent libre d'abord pour la faire ensuite souveraine. C'est pourquoi, ne pouvant souffrir l'autorité des rois, ils créèrent deux chefs annuels qu'ils appelèrent consuls. Qui dit roi ou seigneur, parle d'un maître qui règne et domine. Un consul, au contraire, est une sorte de conseiller. Les Romains pensèrent donc que la royauté a un faste également éloigné de la simplicité d'un pouvoir qui exécute la loi, et de la douceur d'un magistrat qui conseille. Ils ne virent en elle qu'une orgueilleuse domination. Ils chassèrent donc les Tarquins, établirent des consuls, et dès lors, comme le rapporte à l'honneur des Romains l'historien déjà cité, sous ce régime nouveau de liberté, la République, enflammée par un amour passionné de la gloire, s'accrut avec une rapidité incroyable. C'est donc à cette ardeur de renommée et de gloire qu'il faut attribuer toutes les merveilles de l'ancienne Rome, qui sont, au jugement des hommes, ce qui peut se voir de plus glorieuse et de plus digne d'admiration. Salluste trouve aussi à louer quelques personnages de son siècle, notamment Marcus Caton et Caius César, dont il dit que la République, depuis longtemps stérile, n'avait jamais produit deux hommes d'un mérite aussi éminent, quoique de mœurs bien différentes. Or, entre autres éloges qu'il adresse à César, il lui fait honneur d'avoir désiré un grand commandement, une armée et une guerre nouvelle où il put montrer ce qu'il était. Ainsi, c'était le vœu des plus grands hommes que Bellone, armé de son fouet sanglant, excita de malheureuses nations à prendre les armes, afin d'avoir une occasion de faire briller leurs talents. Et voilà les effets de cette ardeur avide pour les louanges et de ce grand amour de la gloire. Concluons que les grandes choses faites par les Romains eurent trois mobiles. D'abord l'amour de la liberté, puis le désir de la domination et la passion des louanges. C'est de quoi rend témoignage le plus illustre de leur poète, quand il dit « Porsena entourait Rome d'une armée immense, voulant lui imposer le retour des Tarquins bannis. Mais les fils d'aînés se précipitaient vers la mort pour défendre la liberté. » Virgile, Énéide, livre 8, vers 646-647. Telle était alors leur unique ambition, mourir vaillamment ou vivre libre. Mais quand ils eurent la liberté, L'amour de la gloire s'empara tellement de leurs âmes, que la liberté n'était rien pour eux si elle n'était accompagnée de la domination. Aussi accueillaient-ils avec la plus grande faveur ces prophéties flatteuses que Virgile mit depuis dans la bouche de Jupiter. Junon même, l'implacable Junon, qui fatigue aujourd'hui de sa haine jalouse la mer, la terre et le ciel, prendra des sentiments plus doux et protégera, de concert avec moi, la nation qui porte ta toge, devenue la maîtresse des autres nations. Telle est ma volonté. Un jour viendra où la maison des Syracuses imposera son joug à la Thessalie et à l'illustre Mycène, et dominera sur les Grecs vaincus. Virgile, Énéide, livre 1er, vers 279 à 285. On remarquera que Virgile fait prédire à Jupiter des événements accomplis de son temps et dont lui-même était témoin. Mais j'ai cité ces vers pour montrer que les Romains, après la liberté, ont tellement estimé la domination, qu'ils en ont fait le sujet de leur plus haute louange. C'est encore ainsi que le même poète préfère à tous les arts des nations étrangères l'art propre aux Romains, celui de régner et de gouverner, de vaincre et de soumettre les peuples. D'autres, dit-il, animeront les reins d'un ciseau plus délicat, je le crois sans peine. Ils sauront tirer du marbre des figures pleines de vie. Leur parole sera plus éloquente. Leur compas décrira les mouvements célestes et marquera le lever des étoiles. Toi, Romain, souviens-toi de soumettre les peuples à ton empire. Tes arts, les voici. Être l'arbitre de la paix, pardonner aux vaincus et dompter les superbes. Virgile, Énéide, livre 1er, vers 847 et suivant. Les Romains, en effet, excellaient d'autant mieux dans ces arts qu'ils étaient moins adonnés aux voluptés qui énervent l'âme et le corps, et à ces richesses fatales aux bonnes mœurs qu'on ravit à des citoyens pauvres pour les prodiguer à d'infâmes histrions. Et comme cette corruption débordait de toutes parts au temps où Salluste écrivait et où chantait Virgile, on ne marchait plus vers la gloire par des voies honnêtes, mais par la fraude et l'artifice. Salluste nous le déclare expressément. Ce fut d'abord l'ambition, dit-il, plutôt que la cupidité, qui remua les cœurs. Or, le premier de ces vices touche de plus près que l'autre à la vertu. En effet, l'homme de bien et le lâche désire également la gloire, les honneurs, le pouvoir. Seulement l'homme de bien y marche par la bonne voie. L'autre, à qui manquent les moyens honnêtes, prétend y arriver par la fraude et le mensonge. Salluste, de la conjuration de Catilina, chapitre 2. Quels sont ces moyens honnêtes de parvenir à la gloire, aux dignités, au pouvoir? Évidemment, ils résident dans la vertu, seule voie où veulent y marcher les gens de bien. Voilà les sentiments qui étaient naturellement gravés dans le cœur des Romains, et je n'en veux pour preuve que ces temples qu'ils avaient élevés, l'un près de l'autre, à la vertu et à l'honneur, s'imaginant que ces dons de Dieu étaient des dieux. Rapprocher ces deux divinités de la sorte, c'était assez dire qu'à leurs yeux l'honneur était la véritable fin de la vertu. C'est à l'honneur, en effet, que tendaient les hommes de bien, et toute la différence entre eux et les méchants, c'est que ceux-ci prétendaient arriver à leur fin par des moyens déshonnêtes, par le mensonge et les tromperies. Salluste a donné à Caton un plus bel éloge, quand il a dit de lui, moins il courait à la gloire, et plus elle venait à lui. Qu'est-ce en effet que la gloire, dont les anciens Romains étaient si fortement épris, sinon la bonne opinion des hommes? Or, au-dessus de la gloire il y a la vertu, qui ne se contente pas du bon témoignage des hommes, mais qui veut avant tout celui de la conscience. C'est pourquoi l'apôtre a dit, notre gloire, À nous, c'est le témoignage de notre conscience. 2 Corinthiens 1, 12. Et ailleurs, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il trouvera sa gloire en lui-même et non dans les autres. Galates 6, 4. Ce n'est donc pas à la vertu à courir après la gloire, les honneurs, le pouvoir, tous ces biens, en un mot, que les Romains ambitionnaient et que les gens de bien recherchaient par des moyens honnêtes. C'est assez bien, au contraire, à venir vers la vertu, car la vertu véritable est celle qui se propose le bien pour objet, et ne met rien au-dessus. Ainsi, qu'a-t-on eu tort de demander des honneurs à la République? C'était à la République à les lui conférer, à cause de sa vertu, sans qu'il les eût sollicités. Et toutefois, de ces deux grands contemporains, Caton et César, Caton est incontestablement celui dont la vertu approche le plus de la vérité. Voyez, en effet, ce qu'était alors la République et ce qu'elle avait été autrefois, au jugement de Caton lui-même. Gardez-vous de croire, dit-il, que ce soit par les armes que nos ancêtres ont élevé la République, alors si petite, à un si haut point de grandeur. S'il en était ainsi, elle serait aujourd'hui plus florissante encore, puisque, citoyens, alliés, armes, chevaux, nous avons tout en plus grande abondance que nos pères. Mais il est d'autres moyens qui firent leur grandeur, et que nous n'avons plus. Au-dedans, l'activité, au-dehors, une administration juste. Dans les délibérations, une âme libre, affranchie des vices et des passions. Au lieu de ces vertus, nous avons le luxe et l'avarice. L'État est pauvre, et les particuliers sont opulents. Nous vantons la richesse, nous chérissons l'oisiveté. Entre les bons et les méchants, nulle différence, et toutes les récompenses de la vertu sont le prix de l'intrigue. Pourquoi s'en étonner, puisque chacun de vous ne pense qu'à soi? Esclave, chez soi, de la volupté, et au dehors, de l'argent et de la faveur. Et voilà pourquoi on se jette sur la République comme sur une proie sans défense. Discours de Caton Sénat dans Salluste, de la conjuration de Catilina, chapitre 52. Quand on entend Caton ou Salluste parler de la sorte, on est tenté de croire que tous les anciens Romains, ou du moins la plupart, étaient semblables au portrait qu'ils entracent avec tant d'admiration, mais il n'en est rien. Autrement il faudrait récuser le témoignage du même Salluste dans un autre endroit de son ouvrage, que j'ai déjà eu occasion de citer. Dès la naissance de Rome, dit-il, les injustices des grands amenèrent la séparation du peuple et du Sénat, et une suite de dissensions intérieures. On ne vit fleurir l'équité et la modération qu'à l'époque de l'expulsion des rois, et tant qu'on eut à redouter les Tarquins et la guerre contre l'Étrurie. Mais le danger passé, les patriciens traitèrent les gens du peuple comme des esclaves, accablant celui-ci de coups, chassant celui-là de son champ, gouvernant en maître et en roi. Les luttes et les animosités ne prirent fin qu'à la seconde guerre punique, parce qu'alors la terreur s'empara de nouveau des âmes, et, détournant ailleurs leurs pensées et leurs soucis, calma et soumit ses esprits inquiets. Voyez le livre 4 chapitre 18. Mais à cette époque même, les grandes choses qui s'accomplissaient étaient l'ouvrage d'un petit nombre d'hommes, vertueux à leur manière, et dont la sagesse, au milieu de ces désordres parut tolérée, mais adoucie, faisait fleurir la République. C'est ce qu'atteste le même historien, quand il dit que, voulant comprendre comment le peuple romain avait accompli de si grandes choses, soit en paix, soit en guerre, sur terre et sur mer, souvent avec une poignée d'hommes contre des armées redoutables et des rois très puissants, il avait remarqué qu'il ne fallait attribuer ces magnifiques résultats qu'à la vertu d'un petit nombre de citoyens, laquelle avait donné la victoire à la pauvreté sur la richesse, et aux petites armées sur les grandes. Mais depuis que Rome, ajoute Salluste, eut été corrompue par le luxe et l'oisiveté, ce fut le tour de la République de soutenir par sa grandeur les vices de ses généraux et de ses magistrats. Ainsi donc, lorsque Caton célébrait les anciens Romains qui allaient à la gloire, aux honneurs, au pouvoir, par la bonne voie, c'est-à-dire par la vertu, c'est à un bien petit nombre d'hommes que s'adressaient ces éloges. Ils étaient bien rares ceux qui, par leur vie laborieuse et modeste, enrichissaient le trésor public tout en restant pauvres. Et c'est pourquoi la corruption des mœurs amena une situation toute contraire, l'État pauvre et les particuliers opulents. Chapitre 13. L'amour de la gloire, qui est un vice, passe pour une vertu, parce qu'il surmonte des vices plus grands. Après que les royaumes d'Orient eurent brillé sur la terre pendant une longue suite d'années, Dieu voulut que l'Empire d'Occident, qui était le dernier dans l'ordre des temps, devint le premier de tous par sa grandeur et son étendue, et comme il avait dessein de se servir de cet empire pour châtier un grand nombre de nations, il le confia à des hommes passionnés pour la louange et l'honneur, qui mettaient leur gloire dans celle de la patrie, et étaient toujours prêts à se sacrifier pour son salut, triomphant ainsi de leur cupidité et de tous leurs autres vices par ce vice unique, l'amour de la gloire. Car, il ne faut pas se le dissimuler, l'amour de la gloire est un vice. Horace en est convenu, quand il a dit, l'amour de la gloire enfle-t-il votre cœur? Il y a un remède pour ce mal. C'est de lire un bon livre avec candeur et par trois fois. Horace, Épître, 1, 36 à 37. Écoutez encore ce poète, dans ses odes, s'élevant dans un de ses chants lyriques contre la passion de dominer. Dompte ton âme ambitieuse, et tu feras ainsi un plus grand empire que si, réunissant à la Libye la lointaine Gadès, tu soumettais à ton joug les deux Carthage. Et cependant, quand, on n'a pas reçu du Saint-Esprit la grâce de surmonter les passions honteuses par la foi, la piété et l'amour de la beauté intelligible, mieux vaut encore les vaincre par un désir de gloire purement humain que de s'y abandonner, car si ce désir ne rend pas l'homme saint, il l'empêche de devenir infâme. C'est pourquoi Cicéron, dans son ouvrage de la République, où il traite de l'éducation du chef de l'État, dit qu'il faut le nourrir de gloire, et s'autorise, pour le prouver, des souvenirs de ses ancêtres, à qui l'amour de la gloire inspira tant d'actions illustres et merveilleuses. Il est donc avéré que les Romains, loin de résister à ce vice, croyaient devoir l'exciter et le développer dans l'intérêt de la République. Aussi bien Cicéron, jusque dans ses livres de philosophie, ne dissimule pas combien ce poison de la gloire lui est doux. Ses aveux sont plus clairs que le jour, car, tout en célébrant ces hautes études où l'on se propose pour but le vrai bien, et non la vaine gloire, il ne laisse pas d'établir cette maxime générale, l'honneur est l'aliment des arts. C'est par amour de la gloire que nous embrassons avec ardeur les études, et toute science discréditée dans l'opinion languit et s'éteint. Cicéron, Tusculane livre 1er, chapitre 2. Chapitre 14. Il faut étouffer l'amour de la gloire temporelle, la gloire des justes étant tout en Dieu. Il vaut donc mieux, n'en doutons point, résister à cette passion que s'y abandonner, car on est d'autant plus semblable à Dieu qu'on est plus pur de cette impureté. Je conviens qu'en cette vie il n'est pas possible de la déraciner entièrement du cœur de l'homme, Les plus vertueux ne cessant jamais d'en être tentés, mais efforçons-nous au moins de la surmonter par l'amour de la justice, et si l'on voit languir et s'éteindre, parce qu'elles sont discréditées dans l'opinion, des choses bonnes et solides en elles-mêmes, que l'amour de la gloire humaine en rougisse et qu'il cède à l'amour de la vérité. Une preuve que ce vice est ennemi de la vraie foi, quand il vient à l'emporter dans notre cœur sur la crainte ou sur l'amour de Dieu, c'est que notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Comment pouvez-vous avoir la foi, vous qui attendez la gloire les uns des autres, et ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Jean 5, 44. L'évangéliste dit encore de certaines personnes qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui appréhendaient de confesser publiquement leur foi. Ils ont plus aimé la gloire des hommes que celle de Dieu. Jean 12, 43. Telle ne fut pas la conduite des bienheureux apôtres, car ils prêchaient le christianisme en des lieux où non seulement il était en discrédit et ne pouvait, par conséquent, selon le mot de Cicéron, rencontrer qu'une sympathie languissante, mais où il était un objet de haine. Ils se souvinrent donc de cette parole du bon maître, du médecin des âmes. Si quelqu'un me renonce devant les hommes, je le renoncerai devant mon Père qui est dans les cieux, et devant les anges de Dieu. Matthieu 10, 33. En vain les malédictions et les opprobres s'élevèrent de toutes parts. Les persécutions les plus terribles, les supplices les plus cruels ne purent les détourner de prêcher la doctrine du salut à la face de l'orgueil humain frémissant. Et quand par leurs actions, leurs paroles et toute leur vie vraiment divine, par leur victoire sur des cœurs endurcis, où ils faisaient pénétrer la justice et la paix, ils eurent acquis dans l'Église du Christ une immense gloire. Loin de s'y reposer comme dans la fin de leur vertu, ils la rapportèrent à Dieu, dont la grâce les avait rendus forts et victorieux. C'est à ce foyer qu'ils allumaient l'amour de leurs disciples, les tournant sans cesse vers le seul être capable de les rendre dignes de marcher un jour sur leurs traces, et d'aimer le bien sans souci de la vaine gloire. Suivant cet enseignement du Maître, prenez garde de faire le bien devant les hommes pour être regardé. Autrement vous ne recevrez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, 1. D'un autre côté, de peur que ses disciples n'entendissent mal sa pensée, et que leur vertu perdît de ses fruits en se dérobant au regard, il leur explique à quelle fin ils doivent laisser voir leurs œuvres. « Que vos actions, dit-il, brillent devant les hommes, afin qu'en les voyant ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Comme s'il disait, faites le bien, non pour que les hommes vous voient, non pour qu'ils s'attachent à vous, puisque par vous-même vous n'êtes rien, mais pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, et que, s'attachant à lui, ils deviennent ce que vous êtes. Voilà le précepte dont se sont inspirés tous ces martyrs qui ont surpassé les Sévola, les Curcius et les Decius, non moins par leur nombre que par leur vertu. Vertu vraiment solide, puisqu'elle était fondée sur la vraie piété, et qui consistait, non à se donner la mort, mais à savoir la souffrir. Quant à ces Romains, enfants d'une cité terrestre, comme ils ne se proposaient d'autre fin de leur dévouement pour elle que sa conservation et sa grandeur, non dans le ciel, mais sur la terre, non dans la vie éternelle, mais sur ce théâtre mobile du monde, où les morts sont remplacés par les mourants, qu'aimaient-ils, après tout, sinon la gloire qui devait les faire vivre, même après leur mort, dans le souvenir de leurs admirateurs? Chapitre 15. De la récompense temporelle que Dieu a donnée aux vertus des Romains. Si donc Dieu, qui ne leur réservait pas une place dans sa cité céleste à côté de ses saints anges, parce qu'il ne les donne qu'à la piété véritable, à celle qui rend à Dieu seul, pour parler comme les Grecs, un culte de l'atrie, si Dieu, dis-je, ne leur eût pas donné la gloire passagère d'un empire florissant, les vertus qu'ils ont déployées afin de parvenir à cette gloire seraient restées sans récompense, car c'est en parlant de ceux qui font un peu de bien pour être estimés des hommes, que le Seigneur a dit, « Je vous dis en vérité qu'ils ont reçu leur récompense. » Matthieu 6, 2. Ainsi il est vrai que les Romains ont immolé leurs intérêts particuliers à l'intérêt commun, c'est-à-dire à la chose publique, qu'ils ont surmonté la cupidité, préférant accroître le trésor de l'État que leur propre trésor, qu'ils ont porté dans les conseils de la patrie une âme libre, soumise aux lois, affranchie du joug des vices et des passions, et toutes ces vertus étaient pour eux le droit chemin pour aller à l'honneur, au pouvoir, à la gloire. Or, ils ont été honorés parmi presque toutes les nations. Ils ont imposé leur pouvoir à un très grand nombre, et dans tout l'univers, les poètes et les historiens ont célébré leur gloire. Ils n'ont donc pas sujet de se plaindre de la justice du vrai Dieu. Ils ont reçu leur récompense. Note. La théologie chrétienne distingue deux sortes de cultes. Le culte de doulie, du grec douléa, qui est dû à Dieu en tant que Seigneur, et le culte de l'atrie, du grec latréa, qui est dû à Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire à Dieu seul. Chapitre 16. De la récompense des citoyens de la cité éternelle, à qui peut être utile l'exemple des vertus des Romains. Mais il n'en est pas de même de la récompense de ceux qui souffrent ici-bas pour la cité de Dieu, objet de haine à ceux qui aiment le monde. Cette cité est éternelle, personne n'y prend naissance, parce que personne n'y meurt. Là règne la véritable et parfaite félicité, qui n'est point une déesse, mais un don de Dieu. C'est de là que nous avons reçu le gage de la foi, nous qui passons le temps de notre pèlerinage à soupirer pour la beauté de ce divin séjour. Là, le soleil ne se lève point sur les bons et sur les méchants, mais le soleil de justice n'y éclaire que les bons. Là, on ne sera point en peine d'enrichir le trésor public aux dépens de sa fortune privée, parce qu'il n'y a qu'un trésor de vérité commun à tous. Aussi ce n'a pas été seulement pour récompenser les Romains de leur vertu que leur empire a été porté ainsi au point de grandeur et de gloire, mais aussi pour servir d'exemple aux citoyens de cette cité éternelle et leur faire comprendre combien ils doivent aimer la céleste patrie en vue de la vie éternelle, puisqu'une patrie terrestre a été, pour une gloire toute humaine, tant aimée de ses enfants. Chapitre 17. Les victoires des Romains ne leur ont pas fait une condition meilleure que celle des vaincus. Pour ce qui est de cette vie mortelle qui dure si peu, qu'importe à l'homme qui doit mourir d'avoir tel ou tel souverain, pourvu qu'on n'exige de lui rien de contraire à la justice et à l'honneur? Les Romains ont-ils porté dommage au peuple conquis autrement que par les guerres cruelles et si sanglantes qui ont précédé la conquête? Certes, si leur domination eût été acceptée sans combat, le succès eût été meilleur, mais il eût manqué aux Romains la gloire du triomphe. Aussi bien ne vivaient-ils pas eux-mêmes sous les lois qu'ils imposaient aux autres. Si donc cette conformité de régime s'était établie d'un commun accord, sans l'entremise de Mars et de Bélone, personne n'étant le vainqueur où il n'y a pas de combat, n'est-il pas clair que la condition des Romains et celle des autres peuples eût été absolument la même? Surtout si Rome eût fait d'abord ce que l'humanité lui conseilla plus tard, je veux dire si elle eût donné le droit de citer à tous les peuples de l'Empire, et étendu ainsi à tous un avantage qui n'était accordé auparavant qu'à un petit nombre, n'y mettant d'ailleurs d'autres conditions que de contribuer à la subsistance de ceux qui n'auraient pas de terre, et, au surplus, mieux valait infiniment payer ce tribut alimentaire entre les mains de magistrats intègres, que de subir les extorsions dont on accable les vaincus. J'ai beau faire, je ne puis voir en quoi les bonnes mœurs, la sûreté des citoyens et leur dignité même étaient intéressées à ce que tel peuple fût vainqueur et tel autre vaincu. Il n'y avait là pour les Romains d'autre avantage que le vain éclat d'une gloire toute humaine, et voilà pourquoi cette gloire a été donnée comme récompense à ceux qui en étaient passionnément épris, et qui, pour l'obtenir, ont livré tant de furieux combats. Car enfin leur terre ne paie-t-elle pas aussi tribut, leur est-il permis d'acquérir des connaissances que les autres ne puissent acquérir comme eux? N'y a-t-il pas plusieurs sénateurs dans les provinces qui ne connaissent pas Rome seulement de vue? Ôtez le faste extérieur, que sont les hommes, sinon des hommes? Quand même la perversité permettrait que les plus gens de bien fussent les plus considérés, devrait-on faire un si grand état de l'honneur humain, qui n'est en définitive qu'une légère fumée? Mais profitons même en ceci des bienfaits du Seigneur notre Dieu. Considérons combien de plaisirs ont méprisé, combien de souffrances ont supporté, combien de passions ont étouffé, en vue de la gloire humaine, ceux qui ont mérité de la recevoir comme récompense de telles vertus, et que ce spectacle serve à nous humilier. Puisque cette cité, où il nous est promis que nous régnerons un jour, est autant au-dessus de la cité d'ici-bas que le ciel est au-dessus de la terre, la joie de la vie éternelle au-dessus des joies passagères, la solide gloire au-dessus des vaines louanges, la société des anges au-dessus de celle des mortels, la lumière enfin du Créateur des astres au-dessus de l'éclat de la lune et du soleil, comment les citoyens futurs d'une si noble patrie, pour avoir fait un peu de bien ou supporté un peu de mal à son service, croiraient-ils avoir beaucoup travaillé à se rendre dignes d'y habiter un jour, quand nous voyons que les Romains ont tant fait et tant souffert pour une patrie terrestre dont ils étaient déjà membres et possesseurs. Et pour achever cette comparaison des deux cités, cette asile où Romulus réunit par la promesse de l'impunité tant de criminels, devenus les fondateurs de Rome, n'est-il point la figure de la rémission des péchés, qui réunit en un corps tous les citoyens de la céleste patrie? Voyez livre 1er, chapitre 34. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.